De là, nous arrivons au pays des Hurons, brutes sans foi ni loi, qui, loin des immortels, ont tant de confiance qu'ils ne font de leurs mains ni plan ni labourage. Au-devant de leur port, ni trop près ni trop loin de cette cyclopie, s'offre l'île petite. Cette île a dans son port des cales si commodes que sans amarre à terre et sans jeter les ancres et sans lier les câbles, on laisse les vaisseaux, une fois remisés, jusqu'au jour où le cœur à nouveau se décide ou que les vents se lèvent. La terre des Hurons était là, toute proche. Nous voyons ces fumées, nous entendions leur voix et celle de leurs chèvres. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, j'appelle tout le monde à l'assemblée et dis « Fidèles équipages, le gros de notre flotte va demeurer ici, mais je vais prendre, moi, mon navire et mes hommes. Je veux tâter ces gens et savoir ce qu'ils sont, des bandits sans justice, un peuple de sauvages ou des gens accueillants qui respectent les dieux. » Je dis, et m'embarquant, j'ordonne à l'équipage d'embarquer à son tour et de larguer la mare. Nous sommes vite atteints l'endroit, d'ailleurs tout proche, où, sur le premier cap et dominant la mer, s'offrait à nos regards une haute caverne ombragée de lauriers. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Au-devant, une cour profonde était enclose de gros blocs arrachés, de chaînes à panaches et de pins au long fût. C'est là que notre monstre humaire avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul, à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne, mais toujours à l'écart et ne pensant qu'au crime. Ah, le monstre étonnant! Je débarque et j'ordonne à mon brave équipage de garder le vaisseau sans bouger de la grève. Mais je pars, n'emmenant que 12 hommes d'élite que j'avais désignés. J'emportais avec moi une outre en peau de chèvre, de ce ver noir si doux que les fils d'Éventès marron m'avaient donné. Rapidement, nous arrivons à la caverne. Il n'était pas chez lui. Il était au pacage avec ses grands moutons. Mais, aussitôt entré, mes gens n'ont de parole que pour me supplier de prendre les fromages, les agneaux, les chevreaux, de vider les enclos et de nous en aller en courant au croiseur, retrouver l'Ondamer. C'est moi qui refusais. Ah, qu'il eût mieux valu. Mais je voulais le voir et savoir les présents qu'il nous ferait, cet hôte. Le voici qui revient, ramenant son troupeau. Il porte à pleine charge un tas de branches mortes pour le feu du souper. Sous la voûte, il les jette avec un tel fracas qu'éperdu, nous fuyons au fond de la caverne. Il fait entrer alors dans cette vaste salle tout le troupeau dodus des femelles attraires. Mais il laisse, au dehors, dans le creux de la cour, les boucs et les béliers. Puis il ferme l'entrée avec un gros rocher qu'il lève et met debout. Même avec 22 au fardier à 4 roues, on n'eût pas fait bouger cette pierre du sol. Quand il a pour portail ce roc infranchissable, il s'assied et se met à traire d'affilée tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres. Puis, lâchant le petit sous le pied de chacune, il fait de son lait blanc cailler une moitié qu'il égoutte et dépose en ses paniers de joncs. Mais il avait gardé le reste en ses terrines pour le boire à son heure ou pendant son souper. Ce travail achevé, et ce ne fut pas long, il ranime le feu, nous voit et nous demande « Étranger, votre nom, d'où nous arrivez-vous sur les routes des ondes? Faites-vous le commerce? N'êtes-vous que pirates qui follement courez et croisez sur les flots et risquant votre vie, vous en allez piller les côtes étrangères ?» Il disait. Nous sentions notre cœur éclater sous la peur de ce monstre de sa voix terrible. Mais que faire? Je prends la parole et lui dis. « Nous sommes Achéens. Nous revenions de Troie. Mais les vents de toute terre nous ont fait, hors de route, errer sur cet immense abîme de la mer. Quand nous comptions rentrer, quel chemin, quel voyage pour venir jusqu'ici? C'est Zeus, assurément, qui l'avait décidé. Guerrier d'Agamemnon, nous avons eu l'honneur de servir cet Atride, dont le renom n'a plus son égal sous les cieux, si grande était la ville, qu'il pilla jusqu'au sol, et si nombreux les gens dont il causa la perte. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité, et quelqu'un des présents que l'on se fait entre hôtes. Crains les dieux, brave ami. Tu vois des suppliants. Zeus se fait le vengeur du suppliant, de l'hôte. Zeus est l'hospitalier qui amène les hôtes et veut qu'on les respecte. Je disais, mais ce cœur sans pitié me répond. Tu fais l'enfant, mon hôte, ou tu nous viens de loin. Tu veux que moi, je craigne et respecte les dieux. Sache que les Hurons n'ont à se soucier ni des dieux fortunés, ni du Zeus à l'égide. Nous sommes les plus forts. Non, sans aucun égard pour la haine de Zeus, je ne t'épargnerai, toi et tes compagnons, que s'il me plaît au cœur. Mais dis-moi, le mouillage où tu mis, en venant, ton solide navire, est-ce au bout de la pointe ou plus près? Que je sache. Il voulait me tâter, mais j'en savais trop long, et pour lui répliquer, je lui fis cette histoire. Mon navire est brisé, oui. L'ébranleur du sol, Posidon, l'a jeté sur les roches du cap, au bout de votre terre, où nous poussa le vent qui nous portait du large. Seuls, ses amis et moi avons sauvé nos têtes. Je disais, et ce cœur sans pitié ne dit mot. Mais sur mes compagnons s'élançant, mains ouvertes, il en prend deux ensemble, et comme petits chiens, il les rompt contre terre, leur cervelle coulant sur le sol la rosée. Puis, membre à membre, ayant déchiqueté leur corps, il en fait son souper. À le voir dévoré, on eût dit un lion, nourrisson des montagnes. Entrailles, viande, moelle, os, il ne laisse rien. Nous autres, en pleurant, tendions les mains vers Zeus. Voir cette œuvre d'horreur, se sentir désarmés.